Alors, le livre s'appelle Survivre au développement. Et l'auteur, c'est, si je ne me trompe, Serge Latouche. Alors, bon, ça va être un peu difficile pour moi d'en parler parce que je l'ai lu il y a plusieurs semaines que j'ai fini de lire. Mais je vais essayer de me creuser un peu les méninges pour me souvenir de deux, trois choses. Alors, bien sûr, c'est un livre qui parle de la croissance. Ou de la décroissance, plutôt. En fait, donc c'est ce qu'on appelle effectivement un adepte. L'auteur est un adepte de la décroissance. Et finalement, plutôt que de faire l'apologie d'une décroissance, ce qui est difficile finalement, si on considère que c'est une notion négative, décroissance, on se place par rapport à la croissance. Donc l'idée principale de Serge Latouche n'est pas de construire, je dirais, un système, même si on sent il lance des pistes. J'en parlerai un petit peu à la fin, il faut que j'y pense. Mais c'est surtout de montrer en quoi la croissance n'a pas résolu, bah alors, résolu des problèmes ou n'a pas eu des conséquences si merveilleuses. Alors c'est un peu compliqué. Alors d'abord, il y a une étude du vocabulaire. Ça, c'est assez intéressant. Il part beaucoup du fait que le mot croissance n'est pas, enfin, est quelque part ancré dans notre civilisation. Et donc, qu'on le veuille ou non, c'est une notion qu'on n'arrive pas à remettre en cause. Alors ça donne, alors croissance ou développement, hein, c'est toujours pareil, hein, ça va ensemble. Et du coup, il se moque beaucoup de toutes les formes de développement qu'on invente. Alors je ne sais plus, je serais incapable de donner toute la liste, mais c'est vrai que le développement durable, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a peut-être eu un développement social, je ne sais plus. Enfin, il y a des tas de formes de développement. C'est quand même amusant d'être obligé d'accoler au mot développement autre chose, quelque part, selon Latouche, toujours pour justifier le développement. Et surtout, il faut pas faire marche arrière. Ne vous inquiétez pas, le développement, ça va plus être ce que c'était. On va en faire quelque chose de très très bien. Voilà un peu l'idée. Bon. Alors, bon, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais alors là, il se moque un peu de la notion de durabilité, qui est un mot lancé qui n'a de signification réelle que pour très peu de gens, et en général pas pour les politiciens qui l'utilisent. Ou si c'est juste une croissance ou un développement en se donnant une petite bonne conscience écologique, voilà, c'est un peu faible. Voilà. Donc une bonne réflexion sur le vocabulaire. Et puis donc le fait, la prise de conscience que le mot, la notion même de développement est inhérente à notre société, à notre culture occidentale. Et pas. Alors justement, il parle beaucoup d'autres cultures. Enfin, il parle beaucoup. Il fait allusion à ces autres cultures qui ne se sont pas construites sur ce modèle. Il y a même des langues. Ouais, ah voilà. Si je me souviens bien, il y a des langues où le mot même n'existe pas. Ou il y a du moins il y a des images tellement éloignées que il est très difficile d'appeler ça encore, de traduire ça en développement. Donc voilà, c'est assez intéressant. Qu'y a-t-il d'autre? Ensuite, donc il va un peu plus loin que le vocabulaire, que les mots, même si c'est sans doute un premier combat. Faire accepter le fait que le toujours plus, bon, c'est quand même le toujours plus, soit, quelle que soit la forme. Et l'argument éternel des décroissances, c'est de rappeler que le monde est fini et que la croissance n'est pas soutenable. Voilà, éternellement. C'est forcément une transition. Ça, c'est tellement. C'est quasiment évident, bien sûr, mais bon. Ça pénètre pas les esprits parce qu'on se cache derrière des espèces de croissance immatérielle maintenant, bah, comme si c'était immatériel la croissance. Alors, qu'est-ce qui reste si c'est immatériel? Ah oui, la croissance des services. Mais les services, d'abord, ils s'appuient sur des mouvements, ils s'appuient quand même sur de l'énergie, d'une part. Et s'ils ne s'appuient pas sur l'énergie, on ne peut pas croître, parce que là, c'est les humains qui donnent la croissance, et donc, on est très vite limité. Donc voilà. C'est un peu la quadrature du cercle. Alors ensuite, alors là, je ne saurais pas les retrouver toutes, tous les thèmes, mais il parle de toutes les formes de croissance ratée. Alors notamment l'alimentation, voilà. Alors l'alimentation, c'est très intéressant parce que typiquement, il y a des pays avant le boom économique. Alors d'autres pays qui n'ont pas, qui n'avaient pas démarré en même temps que nous. Eh bien, ces pays-là, pas comme l'Inde ou l'Éthiopie, avant la croissance effrénée, n'avaient pas de famine. Bon, c'était pas l'opulence sans doute, possible, mais c'était pas la famine. Et c'est bien la. Alors selon lui, hein, c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Selon, bon, enfin, faut bien faire des choix. Mais selon lui, donc, il n'y a pas de croissance qui sauve vraiment, qui empêche vraiment la famine. Au contraire, même pour lui, la croissance génère la famine elle n'existait pas dans beaucoup de pays, l'Inde, et elle a commencé à exister alors que c'était le grand boom économique en Occident. Pour lui, c'est donc la preuve que il n'y a pas de lien direct. Enfin, que la croissance, si au contraire il y a un lien pour lui, elle peut même amener à famine parce que, et là, c'est aussi de plus en plus une évidence, le système tel qu'il est actuellement fait des peuples, des individus eux-mêmes, mais des peuples aussi, des adversaires. Et donc, toujours la guerre, la compétition à outrance, et forcément, il y a donc des victimes, voilà. Et les victimes, ça peut être les pays du tiers-monde, par exemple. Bon, bah là, c'est moi, évidemment, je suis ça. Sur l'énergie, est-ce qu'il en parle? Sans doute, mais ça ne m'a pas trop frappé. Je me souviens plus beaucoup de ce qu'il a pu dire là-dessus. Donc la croissance, voilà. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Bon, il esquisse des systèmes, des amorces de solutions, des systèmes alternatifs. Et il y a quelque chose qui est peut-être dit une seule fois sur tout le bouquin. Bon, c'est pas un gros gros bouquin, mais enfin, 120 pages. Où il parle de du fait que forcément vouloir rompre avec ce système impliquerait probablement, mais ne crie pas trop fort parce que c'est vrai que c'est tellement marqué idéologiquement, impliquerait une réflexion sur la propriété elle-même, la notion de propriété. Ça, c'est quelque chose de tellement fort, tellement pouf, qu'on peut même pas y réfléchir, quoi. La seule tentative, et encore, c'était le système communiste, et bon, vu le résultat. Donc forcément, mauvaise presse, difficile à défendre, mais effectivement, parler de partage de ressources, de biens communs, voilà, des choses qui paraissent pas évidentes, mais bon, tout à fait envisageables, mais qui aujourd'hui ont tellement mauvaise presse à l'ère du néolibéralisme que, bon, forcément, une idée difficile à défendre, et du coup, il focalise pas trop là-dessus. Hein. On ne peut pas dire qu'elle soit défendue avec une ardeur. Elle est distillée, voilà. Mais bon. Il parle aussi de système, voilà, où il faudra pas imposer un système aux nations du tiers-monde. Que nous-mêmes, il faudra pas copier les systèmes, les sociétés, on va dire, primitives. En fait, il veut vraiment pas une régression de civilisation. Il veut pas qu'on copie ce qu'on était il y a 1000 ans ou il y a 3000 ans. Il pense que bien sûr, il faudra créer un nouveau système, une nouvelle façon de vivre, et que ce n'est pas ça n'est pas la copie, et qu'à chaque peuple, en raison de l'histoire, en raison de la des ressources aussi, je pense, de la géographie, etc., de construire un système, et donc qu'il faudra surtout pas faire un nouvel impérialisme économique ou politique. Voilà, surtout éviter de tendre vers une forme de une nouvelle hégémonie. Voilà, surtout pas donner trop de leçons non plus aux pays émergents, on va dire, est-ce que c'est le terme, la mode. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Donc le titre, hein, Survivre au développement de Serge Latouche. Donc c'est intéressant, une réflexion un petit peu, alors bourrée de références, hein. Ça c'est peut-être quelque chose d'assez intéressant pour un peu, il faudrait dire maintenant à peu près 40 bouquins, là beaucoup en anglais d'ailleurs, sur le sujet qui sont référencés. Il y a des citations. Ce qui, je pense, a un double but. D'une part, bon bah tout simplement s'appuyer parce que c'est un livre synthèse. Ça n'est pas un livre fondateur au sens, c'est presque de la vulgarisation. Décroissantiste, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a la volonté de montrer que, bah voilà, c'est pas un sujet nouveau, que c'est pas une berlue, non, une lubie, pardon, une lubie, d'urlu-berlue, n'est-ce pas, voilà, ça n'est pas ça, c'est quelque chose auquel des intellectuels ont beaucoup réfléchi et que, et en disséquant le système actuel, ses failles, ses faiblesses, c'est pire que ça, c'est en disséquant sa morbidité latente, que voilà. Donc un livre intéressant qui n'est pas bouleversant au sens où vraiment bon il survole et puis le style est un petit peu technique, voilà, je dirais qu'il bon. Il y a un peu, c'est très méta, on parle quoi, c'est pas un livre concret, c'est pas un livre qui se lit avec du suspense, voilà, mais c'est intéressant pour avoir une première réflexion, je dirais, un peu qui dépasse celle d'un journal comme La Décroissance. Ah ça y est, là je voilà, bah je crois que j'ai terminé donc pour ce livre. Pour ce livre de Serge Latouche.